franceinter.fr. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Héros ou salaud ? Pendant longtemps, la question s'est posée. Et même aujourd'hui, certains doutent encore. Héros ou salaud ? Cet homme hors du commun qui a osé négocier avec Adolf Eichmann pour sauver quelques centaines ou quelques milliers de Juifs de Hongrie. Autant d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il a littéralement achetés pour leur épargner d'être gazés à Auschwitz. Alors, Israël Kastner avait-il le droit de proposer ce terrible marché aux tueurs de Juifs au péril de sa propre vie ? Avait-il raison de vouloir arracher à la mort quelques-uns de ses coreligionnaires ? Ou bien au contraire, prenant langue avec le technicien en chef de la solution finale et en essayant de corrompre quelques officiers SS, ne s'est-il pas conduit en collaborateur des nazis ? Et puis, comment a-t-il choisi ceux qu'il a sauvés ? Pourquoi cela et pas d'autres ? Aujourd'hui, ces questions ne font plus polémique. Pour la majorité des Juifs et les autorités de l'État hébreu, Israël Kastner est un héros. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et ce n'est certainement pas un hasard si un jour de 1957, un assassin d'extrême droite a pointé son arme sur Kastner et l'a tué. Monsieur X revient sur sa tragique histoire et les secrets qui entourent encore son existence et les conditions de sa mort. Rendez-vous avec X. Pour commencer, je vous propose une citation, un extrait d'un livre d'un éminent historien israélien, Yehuda Bauer, un ouvrage intitulé « Juif à vendre ». Un titre éloquent, hein ? Ça vous permettra de saisir immédiatement le contexte de l'histoire de Kastner. J'ai photocopié ce passage juste avant de vous retrouver. Écoutez. Himmler considérait que les ennemis réels du nazisme, derrière les Occidentaux et la Russie bolchevique, étaient les Juifs et qu'il fallait les exterminer. Mais cette entreprise d'anéantissement pouvait être momentanément suspendue pour des raisons tactiques en cas de difficulté sur le plan militaire. Bon, elle n'excluait pas non plus l'idée de chercher à se servir des Juifs ou de certains d'entre eux comme d'une monnaie d'échange contre des produits dont l'Allemagne avait besoin. De tels marchandages pouvaient être tentés directement avec les Juifs étrangers ou avec leurs marionnettes. L'important était que l'Allemagne surmonte sa crise. Les nazis pourraient alors recommencer à appliquer leur politique meurtrière. Voilà qui est clair, non ? Ben oui, c'est quoi ? C'est la vie des Juifs pour sauver le Troisième Reich ? C'est à peu près ça, oui. Et lorsque Kastner et ses amis ont compris jusqu'où pouvait aller le cynisme des nazis, ben ils ont essayé de s'en servir pour sauver des Hongrois qui appartenaient à la dernière communauté juive européenne qui avait encore échappé à la machine de mort des nazis. Alors, voyons ça dans le détail. Et d'abord, quelques éléments biographiques sur Rudolf Kastner, qui plus tard, lors de son arrivée en Palestine, se fera prénommer Israël. Ouais. Pardonnez-moi, mais il me semble qu'autrefois, vous m'aviez déjà raconté une histoire identique, non ? La fameuse négociation des camions contre des Juifs. Oui, vous avez raison. On va retrouver aujourd'hui certains des protagonistes de ce marchandage. Mais quand je vous avais fait ce récit, j'ignorais encore le rôle éminent qu'avait joué Kastner. Ouais. D'accord, alors, qui était cet homme ? C'était un journaliste né en Transylvanie. En Roumanie, donc. Hein. Où il existait une forte minorité hongroise. Et d'ailleurs, cette province roumaine est annexée par la Hongrie dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Kastner, devenu citoyen hongrois, s'installe donc à Budapest. Le pays est alors sous la coupe d'un dictateur. Oui, l'amiral Horthy, qui a édicté dès son accession au pouvoir, après la Première Guerre mondiale, les premières lois anti-juives d'Europe. Et ensuite, il va ranger son pays dans la coalition des pays de l'Axe. Et c'est pourquoi Hitler lui permettra d'annexer les territoires voisins où vivaient de nombreux Hongrois. Horthy est donc un antisémite virulent. Mais pour autant, même si les Juifs hongrois sont victimes de mesures discriminatoires, ils demeurent relativement en paix. Mieux, la Hongrie va servir de refuge à des Juifs étrangers persécutés dans leur pays. Enfin, revenons à Rudolf Kassner. Assez tôt, cet intellectuel sioniste crée une organisation chargée de venir en aide aux Juifs européens traqués. Ouais. Il connaît le sort qu'il aurait réservé dans les camps d'extermination ? Oui, il est très bien informé. Son association, la WADA, tente donc de sauver des Juifs polonais ou slovaques en les faisant passer en Hongrie, puis, si elle le peut, en les envoyant en Palestine grâce à un réseau sioniste installé à Istanbul. Ouais. Les représentants de l'agence juive, j'imagine. C'est ça. Ouais. Au sein de la WADA, Kassner est rejoint par un couple de Juifs de Transylvanie, Joël et Hansi Brand. Brand, à la différence de l'intellectuel Kassner, est un aventurier qui a déjà pas mal bourlingué. Détail intéressant, il a été communiste et a sans doute eu des liens avec le Comintern. Ouais, c'est-à-dire l'organisation internationale et clandestine des partis communistes. Et politiquement, où se situe Kassner ? C'est un homme de gauche, un travailliste. Mmh. Et humainement, quel genre de personnage ? Kassner a un côté dandy, élégant, séducteur, éloquent. Est-ce qu'il est écouté dans la communauté juive hongroise ? Pas beaucoup, non. Et d'abord parce que les Juifs hongrois ont l'impression d'être à l'abri et qu'il n'existe pas de mouvement de résistance très actif. D'autre part, les Juifs sionistes ne sont qu'une minorité en Hongrie. Alors, Kassner est donc relativement isolé. C'est certain. Ce qui ne l'empêche pas d'agir, car bientôt, il va y avoir urgence. Oui, j'imagine que vous voulez parler de l'invasion de la Hongrie par l'armée du Troisième Reich. En mars 1944, oui. Le plan Margaret. Hitler n'a plus confiance en son allié qu'il soupçonne de vouloir, un jour ou l'autre, conclure une paix séparée avec les alliés. Et avec cette invasion, les Juifs se trouvent immédiatement en grand danger. Oui, oui, car les nazis n'ont rien de plus pressé que de procéder à un regroupement des Juifs de province dans des ghettos, puis de les envoyer à Auschwitz. Un chiffre qui vous donnera une idée de l'ampleur de la rafle. 430 000 Juifs sont acheminés vers ce trop célèbre camp d'extermination. 100 000 seront affectés au travail forcé. Les autres sont immédiatement gazés. Toutefois, pour l'instant, l'importante communauté juive de Budapest est épargnée. Mais est-ce que les autorités magyares essaient de s'opposer à ces déportations ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, ce sont les forces de l'ordre hongroises qui organisent les rafles. Cependant, en juillet 1944, l'amiral Horthy ordonnera la fin de ces déportations. Mais pour quelle raison, là ? À cette date, les Alliés ont déjà débarqué en Normandie et il est clair que l'Allemagne a perdu la guerre. Ouais, alors Horthy veut donc tenter de prendre ses distances avec un allié bien en compte. Eh oui, mais c'est un peu tard. Et puis, il n'a même plus beaucoup de temps pour se maintenir au pouvoir. À l'automne, les fascistes hongrois, les croix fléchées, s'emparent du pouvoir. Oui, mais ils mettent fin à cette fiction d'une Hongrie indépendante. Et aussitôt, ils s'empressent de donner satisfaction aux nazis en leur permettant de déporter les 200 000 juifs de Budapest. Et lorsque l'armée rouge entrera victorieusement dans la capitale hongroise en janvier 1945, sur les 725 000 juifs vivant en Hongrie, il n'en restera plus que 260 000. Alors maintenant, revenons en arrière pour voir plus précisément quels ont été les efforts de la WADA pour sauver malgré tout quelques milliers de juifs. Et au sein de cette organisation de secours, c'est d'abord Joël Brand qui va prendre l'initiative. Et comment procède-t-il alors ? Bon, je vais aller vite car l'affaire est complexe. Mais Brandt a d'abord eu un contact avec un agent de l'Abwehr. Ouais, ça, c'est le service de renseignement de l'armée allemande, hein, dirigé par l'amiral Canaris. Il existait alors dans ce service des officiers anti-nazis, mais aussi des agents qui déjà avaient été approchés par l'OSS. Ouais, l'ancêtre de la CIA. Oui, et d'autres aussi qui profitaient de leur statut pour se livrer à des trafics, des corrompus. En tout cas, Brandt, le risque de tout, était donc entré en relation avec ces gens-là. Et dans quel but alors ? Mais il avait déjà envisagé de payer ses agents secrets afin qu'ils interviennent pour sauver des juifs de la déportation. Et donc de la mort. Hein. Mais début 1944, patatras. Hitler, juste avant l'invasion de la Hongrie, décapite l'Abwehr qu'il soupçonne de trahison. Et Canaris sera même exécuté. L'année suivante, ouais, ouais. Oui. Mais heureusement pour Brandt, un de ses contacts a été récupéré par le SD, le redoutable service de sécurité de la SS. Et il est même devenu l'un des adjoints d'Eichmann, l'homme chargé de l'extermination des juifs européens. Alors il reprend contact avec cette... Bien sûr. Et Brandt, dans sa folle témérité, va aller jusqu'à négocier directement avec Eichmann. Rendez-vous. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Dans le livre « Juif à vendre », déjà cité par M. X, Yehoud Boer explique comment Brandt, un homme qui par ailleurs aimait la vie nocturne et buvait plus que de raison, a commencé à agir. Extrait. Son épouse, Hansi, ouvrit une petite fabrique de gants. Brandt en était le représentant de commerce. Au cours de ses longues stations dans les cafés et les boîtes de nuit, il fit la connaissance d'un agent du contre-espionnage hongrois, Joseph Krem, à l'affût de combines pour arrondir sa solde. Lorsque la sœur de Hansi fut directement touchée par les déportations, Krem, pour une somme rondelette, accepta de faire revenir la belle famille de Brand. Brand signala cette possibilité à d'autres familles qui suivirent son exemple. Dès lors, il se consacra aux réfugiés, les aidant notamment à franchir clandestinement les frontières, et s'associa avec Kastner. Brandt joue donc sur la cupidité des nazis, mais lui-même, alors, juif, il prend des risques insensés en allant les voir. Certes, mais il pense que tant qu'il pourra trouver de l'argent pour les appâter, il sera lui-même en sécurité. Mais Brandt, je vous l'ai dit, va encore plus loin. Toujours obsédé par l'idée de sauver la vie de ces centaines de milliers de juifs de Hongrie, il se risque donc à aller voir Eichmann lui-même. L'entrevue de l'aveu même de Brandt, qui sera plus tard témoin au procès du nazi en Israël, est hallucinante. Le personnage était effrayant. Oui, c'était surtout son pouvoir de vie et de mort sur les juifs qui faisait peur. Et Brandt dira même que d'une certaine façon, Eichmann a détruit sa vie. Expliquez-moi. Brandt a eu l'impression que le nazi faisait reposer sur lui la responsabilité d'envoyer ou non à la mort des centaines de milliers de juifs. Et ça, c'était insupportable. Ça, j'imagine. Mais rencontrer Eichmann, était-ce une initiative personnelle? Non. Brandt y est allé avec l'accord de ses camarades sionistes. Alors, plus précisément, comment ça s'est passé? Eichmann lui a proposé tout bonnement de lui vendre des juifs. Lui vendre? Exactement. Eichmann lui dit à peu près ceci. Voilà, il y a encore 1 million de juifs en Europe centrale. Si vous les voulez, vous les achetez. C'est inimaginable. Et c'est pourtant la vérité. Et comment Eichmann veut-il être payé? En marchandises, essentiellement. Il exige 10 000 camions, du thé, du café, du cacao, du savon, et quand même quelques devises étrangères. Ouais. Des vies contre des marchandises. Exactement. Ouais. Brandt, bien sûr, est affolé. Ouais, parce qu'il ne sait pas comment se procurer de telles quantités de biens. Et que Eichmann ne lui laisse que 15 jours pour réussir. Ouais, donc c'est une mission quasi impossible. Oui, pourtant le jeune homme est autorisé à partir pour Istanbul, où il se propose de contacter les Américains de l'OSS et les représentants de l'agence juive qui se trouve en Syrie. Il y part avec un type louche, Bandy Groz, un juif converti, qui est un agent double, travaillant à la fois avec les nazis et les Américains. Ouais. Brandt a-t-il une petite chance de réussir? Non, parce que de tous côtés, les dés sont pipés. C'est-à-dire? Eichmann n'attend pas longtemps avant de donner l'ordre de déporter les premiers juifs vers Auschwitz. Sans même attendre la réponse de Brandt. Hein. Oui, ça s'explique assez bien. En fait, les nazis ne sont pas tous d'accord entre eux. Et on le constate à Budapest même. D'une part, il y a donc Eichmann, qui ne pense qu'à une chose, exterminer le plus possible de juifs. Sans pour autant oublier de grappiller ça et là, dès qu'il le peut. Hein. En effet. Et d'autre part, il y a un autre officier SS, Kurt Becher. C'est le directeur du département économique. Les juifs, ils s'en moquent. Ce qui compte pour lui, c'est de leur extorquer le maximum d'argent et de biens personnels. Quoi, pour la SS? Bien sûr, mais il travaille aussi pour lui-même. Ah ouais. Et après la guerre, Becher sera l'un des hommes les plus riches d'Allemagne. Mais on en reparlera, ne serait-ce que parce que dans l'histoire de Rudolf Kastner, il joue un rôle central. Donc, si je vous ai bien compris, Eichmann et Becher sont rivaux. Pourtant, tous les deux appartiennent à la SS. Oui, mais cette compétition reflète l'ambiguïté de l'attitude de leur chef, Himmler. Et c'est l'un des grands secrets de cette histoire. Himmler est un ambitieux. Plus lucide que d'autres chefs nazis, il sait que le Reich a perdu la guerre et il pense à l'avenir. D'autant qu'il se verrait bien succéder à Hitler. Et s'il a donné son feu vert pour cet horrible marchandage... Les camions contre les juifs, là. C'est qu'il voit là une façon de tenter une approche en direction des alliés. L'esquisse de la négociation d'une paix séparée avec les anglo-saxons. En enfonçant un coin entre ces derniers et l'URSS. Mais était-ce encore possible? Ça, j'en doute. Autre question, là. Comment se déroule la mission de Brandt à Istanbul? Les émissaires américains qu'il rencontre n'écartent pas, a priori, l'idée de ce troc monstrueux, même s'il se méfie de Brandt et de son acolyte Gross, qu'il trouve suspect. Il n'en veut pas de même avec les organisations juives, qui sont prêtes à faire des efforts financiers considérables pour sauver les leurs. Mais elles doivent d'abord en référer aux autorités britanniques. Pourquoi? L'agent juif se considère alors comme étant une branche officieuse du gouvernement de Londres. À cause du mandat britannique sur la Palestine? Et de l'engagement de nombreux juifs dans l'armée britannique. Mais... Alors, réaction de Londres aux propositions relayées par Brand? Elle est négative. Négative et purement cynique. Et du point de vue britannique, ça s'explique très bien. Ce que Londres redoute par-dessus tout, c'est de voir des centaines de milliers de Juifs débarquer en Palestine. Oui, alors qu'ils limitent autant qu'ils le peuvent, l'immigration là-bas des Juifs. Donc, pas question d'acquiescer à ce marchandage qui, s'il avait lieu, permettrait à ces Juifs hongrois de demander à rejoindre la Palestine. Ouais. Mais d'une certaine façon, c'est aussi les condamner à mort. C'est malheureusement vrai. Au reste, et sans vouloir excuser les Britanniques... Il se trouve alors aucun pays décidé à héberger le million de juifs qu'Eichmann se proposait de libérer contre la livraison des 10 000 camions. En tout cas, pour mieux saboter ce projet de marchandage, lorsque Brandt quitte la Turquie pour la Syrie, les Britanniques s'arrangent pour l'arrêter et le mettent à l'ombre pendant 3 mois, tandis qu'ils font fuiter l'information dans la presse. Ouais, ce qui provoque, enfin, je pense, la fureur de Moscou. Et l'agence juive s'incline aussi? Oui, et ça lui sera reproché plus tard avec beaucoup de virulence. Car pourquoi l'agence n'aurait-elle pas renoué clandestinement le fil de la négociation avec les nazis? En essayant d'acheter des juifs hongrois. Pourquoi pas, même si l'expression est atroce. Alors, fin de partie, donc? Non, car Kastner, lui... se trouve toujours à Budapest et il va reprendre à son compte cette négociation avortée. Il remplace donc en quelque sorte Brandt. Dont à Budapest, on est sans nouvelles. Et ici, une parenthèse. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais Kastner a constamment joué avec le feu. Et à plusieurs reprises, il a été arrêté par les services hongrois et les nazis, les uns et les autres exigeant qu'il leur livre des informations sur ses activités. Ouais. Est-ce que lui aussi, Kastner, va oser approcher Eichmann? Bien évidemment. Mais que peut-il lui proposer? Il bluffe. Et il utilise assez habilement sa position de faiblesse. Mais comment alors? Il fait valoir aux nazis que si aucune nouvelle ne parvient d'Istanbul, c'est que les alliés attendent certainement un geste, un signe qui montrerait qu'Eichmann est réellement décidé à respecter les termes du marchandage. Et Kastner, c'est assez extraordinaire, obtient que 380 juifs de province, déjà sélectionnés par Brandt avec l'accord d'Eichmann, pour obtenir un certificat d'immigration, soit autorisé à rejoindre Budapest. Ouais, Budapest où les Juifs sont encore relativement en sécurité. Oui, mais pour cela, il doit payer 1 000 dollars par tête de l'argent collecté dans la communauté. Et pour Kastner, ça n'est qu'un début. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Kastner a bluffé Eichmann, a dit Monsieur X. Mais de son côté... Eichmann a clairement montré qu'il n'entendait nullement mettre en application ne serait-ce que l'esquisse de ce troc épouvantable. Confirmation dans la récente biographie d'Eichmann signée par David Cesarini. Eichmann ne dévia jamais d'un iota du calendrier fixé pour les déportations. Ainsi, le jour même où Brandt quitta Budapest, son épouse entendit parler des premières déportations de la zone 1 et reçut des rapports sur les conditions effroyables dans les trains. Elle alla trouver Kastner et ensemble, ils allèrent voir Eichmann. Il écouta leurs protestations et leur dit avec son cynisme inimitable qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter car il ne s'agissait que de juifs de Russie subcarpathique. Que ces gens avaient beaucoup d'enfants, et qu'en tout état de cause, les enfants n'avaient pas besoin de beaucoup d'air, et encore moins de place, et qu'ainsi, il ne leur arriverait rien. Kastner continue-t-il à bluffer? Pas seulement, il distribue aussi des pots de vin. Auprès d'Eichmann, son argument principal consiste à dire... Les camions n'arriveront que si des Juifs restent en vie. Oui, mais Ça me semble un peu contradictoire avec ce que vous avez dit précédemment. Eichmann, enfin, selon vous, est d'abord omnubilé par l'extermination des Juifs. C'est sûr. Mais Hitler a fait savoir qu'il n'était pas fondamentalement opposé à un troc qui rapporterait au Troisième Reich des devises, des biens de première nécessité et peut-être même des camions. Bref, tout ce qui pourrait lui permettre de prolonger la guerre et même de la gagner. Ensuite, eh bien, il finirait de s'occuper des Juifs. Donc Eichmann doit mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Et d'autant que son rival, Becher, lui, ne pense qu'à l'exploitation économique des Juifs. Une répartition des tâches assez machiavélique, d'ailleurs. C'est Kassner qui le déclarera lui-même plus tard. L'un tuait, l'autre encaissait. Quoi qu'il en soit, en ces terribles mois de mi-44, Kassner continue à harceler Eichmann afin qu'il lâche quelques Juifs. Avec succès ? Oh, un succès très relatif si l'on pense aux dizaines de milliers de Juifs destinés à monter dans les wagons de marchandises plombés qu'ils emportent vers Auschwitz. Mais enfin, c'est vrai, Kassner réussit à extorquer à Eichmann la vie de 1685 Juifs, les futurs passagers du train Kassner, comme on l'appellera. Un convoi qui, en principe, doit quitter Budapest pour se diriger vers un pays neutre. Et quelle contrepartie a-t-il dû donner à Eichmann ? Kassner a dû réunir une énorme rançon payée par des Juifs fortunés ou des collectes organisées par les organisations juives de l'étranger. Autre question ? Mais comment ont été choisis ces passagers et par qui ? Question très délicate et qui fera longtemps polémique. Il est certain que Kassner a dressé lui-même une partie de la liste. Et de façon naturelle, il a d'abord sélectionné des gens qu'il connaissait. Sa famille ? Bien sûr, et des habitants de sa ville natale. Quant aux autres, c'est un peu le hasard qui a présidé à leur choix. Mais ça a dû être une épreuve terrible pour Kassner. Ouais, ça voulait dire choisir qui avait le droit de vivre ou non. Et c'est ignoble de le lui avoir reproché. Mais on en parlera la semaine prochaine parce que je vois que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous raconter toute l'histoire de Rudolf Kassner. Et quand ce train, là, le train Kassner, part-il de Budapest ? Fin juin 44. Mais après quelques jours de trajet sur des voies ferrées encombrées, le convoi s'arrête dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Un arrêt prévu ? Non. En fait, c'est une manœuvre de dernière minute d'Adolf Eichmann. Un épouvantable chantage. Tant que Brandt ne reviendra pas d'Istanbul, les passagers du train resteront à Bergen-Belsen et seront à tout moment menacés d'être transférés à Auschwitz. C'est un prétexte. C'est certain. Kassner est désespéré. Pour lui, et ses protégés, c'est un drame. Ouais. Et comment cela va-t-il finir alors ? Kassner joint le tout pour le tout, fait appel au rival d'Eichmann. Ce Becher. Oui, officier SS assuré de la confiance de son maître, Himmler, et qui n'a de cesse de vouloir arrondir sa plotte. Becher qui, aussi, pense au futur. Ouais, il veut sauver sa peau, quoi. Évidemment. Gravement compromis dans des massacres de juifs ukrainiens, il veut donner des gages aux futurs vainqueurs. Oui, en protégeant les juifs. Oui, sans pour autant oublier de les voler. Il est donc prêt à aider Kassner. Hein. Et ensemble, les deux hommes se rendent à la frontière suisse. Ils y rencontrent un représentant d'une organisation caritative juive américaine. Et l'objectif, là ? Trouver de l'argent. Et peut-être même, puisque Brandt ne donne aucune nouvelle, reprendre la négociation sur le troc de marchandises ou camion contre juifs. Mmh. En tout cas, malgré Eichmann, Becher obtient une première libération de quelque 300 des otages de Bergen-Belsen, dont beaucoup d'enfants. Puis finalement, après une longue et éprouvante attente, les autres passagers du train Kassner pourront enfin gagner la Suisse au début du mois de décembre. Mmh. Kassner, malgré tout, a donc gagné ? Mais il est bien conscient que le sauvetage des Juifs de son train, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des déportations. Car dès que les croix fléchées prennent le pouvoir à Budapest en octobre 1944, les convois vers Auschwitz reprennent à raison de 12 000 déportations par jour. Aussi, sans relâche, Kassner a poursuivi sa tâche. D'autres trains ? Oui, l'affaire est confuse, mais il semble bien que le journaliste, toujours en collaboration avec Becher, a joué un rôle dans le transport de 20 000 juifs hongrois en Autriche. En principe, des gens destinés à faire tourner les usines d'armement autrichiennes. Mais parmi eux, il y avait des enfants, des femmes, des vieillards. Autant de gens inaptes au travail et qui, s'ils avaient été envoyés à Auschwitz, auraient été immédiatement gazés. Cependant, pour obtenir ce résultat, il a fallu payer 5 millions de francs suisses. Et sur cette somme, Becher a dû obtenir sa part, j'imagine. Enfin, j'en aurais terminé avec l'inlassable action de Kassner en faveur des siens. Le journaliste a essayé jusqu'au bout d'épargner des vies humaines. Mais malheureusement, cela aussi lui sera reproché. Expliquez-moi alors. Dans les dernières semaines de la guerre, il a accompagné Becher dans une tournée des camps de concentration et d'extermination. Pour quelle raison ? Il s'agissait pour Becher, dûment mandaté par Himmler, de persuader les chefs de ces camps de livrer leurs installations sans combattre quand les troupes alliées se présenteraient. Et surtout, il fallait éviter que le SS n'envoie ses déportés sur les chemins. Ouais, les sinistres marches de la mort. Oui, au cours desquelles ont péri nombre de détenus dénutris et affaiblis. Et pourquoi alors ces reproches adressés à Kastner ? Parce qu'il a effectué cette tournée en compagnie de Becher dans une Mercedes arborant le fanion de la SS. Mais bien sûr, c'est surtout son étroite proximité avec le nazi Becher qui fera tâche. Et ça lui vaudra l'opprobre d'une partie de la société israélienne et ça expliquera son assassinat. Toutefois, sans déflorer la deuxième partie de cet entretien, je peux vous dire que Kastner n'a jamais agi sans l'aval de l'agence juive et de son principal dirigeant Ben-Gourion. Et que son activité dissimulait sans doute un très lourd secret. Ouais. Nous voyons donc cela la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, une petite observation personnelle. Mm-hmm. Comme vous, je lis attentivement la presse. Et je n'ai pas pu ne pas m'interroger à propos des derniers événements survenus dans cette Hongrie où Kastner a sauvé tant des siens. Le durcissement du régime. Et surtout la chasse aux Roms qui s'organise dans les localités qui sont sous la coupe du parti néo-fasciste Jobbik. Douloureux souvenirs et dérives très inquiétantes, mais qui ne semblent pas émouvoir les autorités hongroises, qui viennent même de confier la direction d'un théâtre national à deux individus issus de l'extrême droite. Des livres pour terminer de Yehuda Boer, déjà cité « Juifs à vendre », de Fabrizio Calvi « Pacte avec le diable », d'Annette Wieworka « Eichmann de la traque au procès » et enfin de David Cesarini « Eichmann ». Un dernier mot, une cinéaste américaine, Gaylen Ross, a réalisé un film sur Kastner. Je l'ai vu. C'est un documentaire poignant et haletant. Son distributeur cherche des salles où le projeter en France. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme et même le réécouter, contactez-nous sur franceinter.fr ou même plus directement à mon adresse mail patrick.penaud@radiofrance.com. À samedi prochain, mais si vous le voulez bien, tout à l'heure, dans quelques minutes, vous pourrez me retrouver au Salon du Livre de Radio France. Rebecca de Nantes a préparé cette émission réalisée par Michel Biou et illustrée par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, on va dans le vert, c'est au de mon amour de Denis Chessou.